Salam alaykoum wa rahmatoullah. Est-ce que vous m'entendez? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا en cet après-midi du lundi 23 شعبان 1437 de l'Hégire correspondant 30 mai 2016 بإذن الله تعالى. D'abord, je suis heureux d'être avec vous encore une fois, yani, de nouveau. Et j'espère que tout le monde va bien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ikhlas et la force aussi de faire ses cours et de propager le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, d'abord, est-ce que le son est bon? D'abord, est-ce que le son est bon? 5 sur 5, alhamdoulilah. Donc on va parler un peu de Siyam. Naam, Siyam. Et je pense faire cela en deux cours. Parce que c'est déjà le ramadan. Il reste à peu près une semaine. Donc aujourd'hui et dans deux ou trois jours, ce sera la deuxième et dernière partie, inshallah ta'ala. Donc j'ai choisi deux livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, que j'ai donc joint l'un à l'autre. En plus, dans les commentaires, il y a inchallah ta'ala des avis yani, d'autres savants. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, on va commencer inchallah ta'ala. Donc, le premier livre s'appelle Fusul fi siyam tarawih ou zakat. Et le deuxième, Nubat fi siyam. Bi'idhnillah ta'ala. Donc, on va commencer. Juste, je voulais dire aussi une chose avant d'oublier. Une seconde. Tayyib. Si jamais, qui est admin avec nous? Fouzi, tu es là, Fouzi. Tayyib, essaye, on va faire un essai, parce que maintenant, quand je vais lire du livre, je ne vais plus voir ce qui se passe dans le salon. Donc, il est possible que je perde le micro et que je ne le sache pas. On va essayer, tu vas essayer de me raider, si tu peux, et de parler à ma place, pour voir si tu peux me raider. Tfadal. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdoulilah, donc ça a marché. Sauf que je ne suis pas sorti du salon. Non, je suis resté dans le salon, mais comme j'étais raidé, donc je ne pouvais pas parler d'un côté et de l'autre, je ne me suis pas trouvé. Enfin, j'étais en train de chercher où j'étais, je ne me suis pas trouvé. Un mohim. Chauffe, donc s'il se passe quelque chose, tu me raides et tu parles au micro pour me dire, inshallah ta'ala, qu'il n'y a plus de son, par exemple. Non. Donc, tout que Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعم الشيخ هادي رحمه الله تعالى الشيخ هادي أبخي خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه jusqu'à la fin de ce qu'on appelle خطبة الحاجة c'est-à-dire la خطبة de que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait quand il voulait commencer une chose importante. Ensuite le شيخ هادي que voilà, ma ba'd, fa'innahu bi munasabati hulul shahri ramadan al-mubarak, fa'inna nuqaddimu ila ikhwanina al-muslimina al-fusul al-taliya, sa'ilin Allah ta'ala an yaj'ala 'amalana khalisan lillah, muwafiqan li shari'atihi, nafi'an li khalqihi, innahu jawadun karim. C'est-à-dire, il a dit que puisque le ramadan yani, et c'est très bientôt, donc il a dit j'essaye de yani, pour mes frères les musulmans enseigner yani, les titres ou là, les paragraphes qui vont suivre. Là, il a dit, premièrement, يعني سي كوا لو جوجمون دو صيام. دوزيامون حكمه وفوائده، يعني كيل سون لي لا ساجيس، نعم لي ساجيس دو رمضان، و اوسي سي انتيري. ترويزيامون حكم صيام المريض، يعني بارابور او سيلوي كي مالاد و سيلوي كي اون فواياج المسافر، كومون كي دوا فير. كاتريامون في مفسدات الصوم، كيل سون لي شوز كي ران نول، يعني لو صوم لو صيام. Cinquièmement, il parle du tarawih, salat tarawih. Et sixièmement, il parle de zakat, la zakat, c'est-à-dire la zakat, pas celle de l'fitr, pas celle du ramadan, mais l'autre, des biens et ses intérêts pour il doit. Ensuite, sabi'an, fi ahli zakat, quels sont les gens qui méritent la zakat. Et enfin, huitièmement, zakat al-fitr par rapport à zakat qui a lieu après le ramadan. بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc on commence premièrement في حكم الصيام. Premièrement par rapport au statut du jeûne, c'est-à-dire est-ce qu'il est obligatoire, il n'est pas obligatoire. Cheikh dit صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Enfin, et la fin du verset. Donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est quelque chose d'obligatoire. Cheikh dit, ça se trouve dans le Coran, son obligation. Ça se trouve aussi dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça se trouve aussi dans le consensus. Ensuite, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans une traduction rapprochée, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et bien sûr, quand il a dit ici, on l'a prescrit, yani on vous a prescrit le jeûne, et il a ajouté, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme ça, pour qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise c'est difficile, yani c'est ceci, c'est nouveau pour nous. Non, c'est pas nous, c'est ancien. Tous ceux qui étaient avant nous aussi jeûnaient. Donc, pourquoi eux, ils ont pu jeûner, pourquoi nous, on ne peut pas jeûner? C'est quoi la différence? Non. Et encore pour nous, peut-être c'est plus facile. Parce que nous, quand on jeûne, ensuite, quand on va manger le soir, on trouve toutes sortes de manger, toutes sortes de fruits, toutes sortes de boissons. Alors que ils jeûnaient, les pauvres, pour qu'à la fin, ils mangent un peu de pain et un peu de lait. Ils boivent un peu de lait. Donc, nous, c'est plus facile pour nous normalement. Non. Ensuite, je dis, il a cité le verset où Allah Ta'ala a dit ceci pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et la fin du verset. C'est assez un peu long, la fin du verset. Le cheikh dit ici وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire maintenant, cheikh cite les dalils du siyam. Il a cité quelque chose du Coran, maintenant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est fondé sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah Azzawajal et que Mohammed est son messager. Ensuite, l'accomplissement de la prière. Ensuite, le fait de faire la zakat. Et le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, et le jeûne du Ramadan. Et le jeûne du Ramadan. Il a dit, ou affiliou, ça, c'est muttafaq alayh, Bukhari Muslim. Et dans une autre version de Muslim, ou sawmi Ramadan ou hajjil bayt. Dans une autre version de Muslim, c'est dit d'abord le jeûne du Ramadan, ensuite le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle taqdim et ta'khir. C'est-à-dire, il y a dans cette version, il a fait précéder le jeûne et ensuite il a mis le pèlerinage à la fin. Alors que dans la première version, il a dit le pèlerinage d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jeûne du Ramadan. Métaphore. Le siyam, quand est-ce que, yani, il est devenu obligatoire? Fourida somu ramadan fi sanati thaniyati min al-hijra. L'obligation de jeûner ce mois a été faite, ou bien a eu lieu, fi sanati thaniyati min al-hijra. في سنتي عفوا عفوا جي اوبلي اون شوز واجمع المسلمون واجمع المسلمون جي اوبلي لو كونسنسوس واجمع المسلمون على فريضه صوم رمضان il y a un consensus des musulmans qu'il est obligé يعني de jeûner le mois du ramadan فمن انكر فريضه صوم رمضان فهو مرتد كافر quiconque nie c'est-à-dire il n'accepte pas que ça soit obligé de jeûner et qu'ils disent c'est pas obligé de jeûner ou ne jeûne pas le mois de ramadan yani tout en rejetant, je dis bien tout en rejetant son obligation. Celui-là est considéré comme apostat. Apostat. Murtad. Oui, kafir. Kafir. Naam. Quand on dit apostat et kafir, ça veut dire que si jamais il meurt, il ne sortira jamais de l'enfer. Il y restera éternellement. Et j'ai bien dit, ce n'est pas par rapport à celui qui ne jeûne pas. Mais c'est plutôt par rapport à celui qui dit, ou bien dans son cœur, renie l'obligation de ce mois. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez bien, quelqu'un peut ne pas jeûner et être musulman. Pourquoi ? Il reconnaît dans le cœur qu'il y a un mois qu'il faut jeûner, mais moi je ne le jeûne pas parce que par paresse ou par j'ai des désirs ou je ne sais quoi, je ne vais pas jeûner. Mais je sais que c'est obligatoire et que si je meurs, j'ai fait un grand péché. Celui-là est mieux que celui qui ne reconnaît pas du tout son statut. Il dit dans son cœur ou bien avec sa langue. Il dit non, il n'y a pas de ramadan, ce n'est pas obligé. Cette personne, si elle dit comme ça, il n'y a pas de ramadan, soit avec son cœur, soit avec sa langue. Non, si elle ne reconnaît pas le statut du ramadan, même si elle jeûne, elle va jeûner, elle dit mais quand même je jeûne, elle sera éternellement en enfer si elle meurt. Si elle meurt bien sûr sans faire le repentir. Pourtant elle a jeûné, oui mais elle a jeûné mais sans reconnaître son statut, ça ne lui sert à rien. Celui qui a reconnu son statut et n'a pas jeûné est mieux que lui, mieux c'est-à-dire moindre mal par rapport à lui, parce qu'il est toujours musulman. Non, il a dit ici, donc voilà. Il a dit, فَإِنْ تَابَ وَأَقَرَّ بِفَرِيدَتِهِ فَذَكْ وَإِلَّا قُتِلَ كَفِرًا Il dit, cette personne qui renie son statut, si elle fait le repentir, Alhamdulillah, sinon, elle ne fait pas le repentir, elle doit yani, être exécutée, elle subira la peine capitale. Pourquoi ? Pour yani, apostasie. Et quoi il a dit, Qutila kafiran. Yani, il va mourir, cette personne va mourir mécréante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Tayyib, metafourida, le mois de Ramadan, son jeûne, son obligation, quand est-ce qu'elle a eu lieu yani, disons pour la première fois. Quand est-ce que le mois de Ramadan a été prescrit? Il a été prescrit pour la première fois. Naam, pendant la deuxième année, il a dit, Fourida Somo Ramadan, fils Sénati, Sénati Minhijra, la deuxième année après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Donc le prophète sallam a fait la Hijra, la deuxième année après avoir fait la Hijra, il y a eu cette prescription obligatoire de jeûner le mois du Ramadan. Il a dit, فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام تسع رمضانات. Alors, ce qui va donner que le prophète صلى الله عليه وسلم donc a jeûné dans sa vie 9 fois le mois du Ramadan. 9 mois le 9 fois. نعم, il a jeûné 9 fois le mois du Ramadan صلى الله عليه وعلى اله وسلم. J'ajoute une chose, wa yakunu qad hajja hujjatan wahida, et le prophète Islam n'a fait le hajj qu'une seule fois et il a fait 4 omar et il a fait 4 fois. Donc si on va commencer par le nombre du plus petit au plus grand, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait seulement a fait le Hajj seulement une fois dans sa vie, et la Umrah 4 fois, et le jeûne du Ramadan 9 fois. 9 fois. Taïb, maintenant on va parler de Hikm Siyam wa Fawaidihi. Quelles sont les sagesses du jeûne, et quels sont ses intérêts? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, yani nous a obligé de jeûner? Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, yani ne nous enjoint pas de faire une chose pour la faire seulement. Il y a toujours, yani, des intérêts derrière cela. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit: Min asma'illahi ta'ala al-hakim. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le sage, le hakim. Ou le hakimu man ittasafa bil hikma. Et le sage, c'est celui qui a comme qualité la sagesse. Quelqu'un qui est décrit de sagesse. Quand on le décrit, on parle de lui, on le qualifie de sage. C'est celui-là le sage. Ou le hikmatu itqanu l'umuri wa wad'uha fi mawadi'iha. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait, il a dit ici, je répète, wal-hikmatu itqan al-umur. Faire les choses avec perfection. Faire les choses avec perfection. Wa wad'uha fi mawadi'iha. Et mettre la chose en son emplacement convenable. En son emplacement convenable. Je veux dire par là, si par exemple je donne à quelqu'un un livre, je lui dis va le mettre à sa place, et au lieu qu'il le mette dans la bibliothèque, il va le mettre par exemple dans le four, ou bien il va le mettre dans le frigo, ça veut dire que cette personne n'est pas une personne sage, bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde, bi'idhnillahi ta'ala, une seconde, une seconde. Salam alaikum, donc on continue. Écrivez-moi un numéro 1 si Fawzi, tout allait bien tout à l'heure, vous m'entendez bien? Parce que j'étais pas avec vous dans Alhamdoulilah. Donc je continue, inshallah ta'ala. S'il y a quelque chose, yani, arrête-moi, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb, dans une seconde. Taïb, on continue. On continue, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, pour être sage, il faudrait, yani, que la personne, ils ont dit la sagesse, c'est de mettre la chose à sa place. J'ai donné l'exemple de, si on donne à quelqu'un un stylo ou un livre, au lieu qu'il le mette dans la bibliothèque, il va le mettre dans le frigo. Donc, cette personne, ce n'est pas une personne sage. Le sage, c'est celui qui met chaque chose en sa place convenable. Il dit ici le Cheikh Rahimahullah Ta'ala. ومقتضى هذا الاسم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. D'après le cheikh, il a dit donc le fait qu'on reconnaisse que le sage c'est Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit azza wa jal décrit de sagesse, ça doit impliquer que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ça doit contenir une grande sagesse. Que la personne, il a dit, sache cela, ou que la personne, yani, ne le sache pas. Donc, tout ce que Allah ta'ala a légiféré, ça contient derrière cela des sagesses et des sagesses. Mais, des fois, la personne sait c'est quoi la sagesse, et des fois ça, elle ne le sait pas. Et ça ne veut pas dire, parce que moi j'ignore c'est quoi la sagesse derrière ce jugement, que je commence à critiquer. Je dis pourquoi ceci, pourquoi cela, le voleur, pourquoi miskin, on lui coupe la main miskin, je ne sais quoi, et le bébé miskin, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Pourquoi il pleure tout le temps, et pourquoi Allah Ta'ala lui a donné la maladie alors que c'est un bébé, il n'a rien fait. Tout ça, c'est grave. Tout ça, c'est grave. Quand quelqu'un dit comme ça, pourquoi mon voisin, il lui a donné, moi, il ne m'a pas donné, pourquoi ma voisine a des enfants, moi, je ne peux pas en avoir, pourquoi l'autre, il est riche, moi, je suis pauvre. Si quelqu'un commence à critiquer comme ça veut dire qu'il n'a pas reconnu que Allah Ta'ala, c'est lui le Hakim, le sage, et que dans tout cela, il y a des sagesses. Dans ta pauvreté, dans ta souffrance, dans ta maladie, dans ton divorce, dans. Non. Il dit ici, Alimaha, min Alimaha ou Jahilamira. Il a dit que les gens connaissent la sagesse ou qu'ils ne connaissent pas. Non. Si quelqu'un dit, par exemple, je sais pas moi, il va dire, le soleil n'a pas de sagesse, sa création n'a pas de sagesse. Non. Toi, c'est toi qui dis ça. Mais d'autres, et beaucoup, et la plupart savent quelle est la grande sagesse du soleil. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui comme bénéfice et comme ça. Non. Si quelqu'un va dire, le tremblement de terre, derrière lui, il n'y a pas de sagesse. Il y a des milliers de sagesse. Nous, on ne sait pas. C'est pour ça, il dit ici le cheikh, que les gens connaissent la sagesse ou qu'ils ne la connaissent pas. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire une chose importante. C'est une chose qu'a cité aussi Cheikh dans un de ses livres. Quand quelqu'un connaît la sagesse d'un jugement, d'un des jugements, c'est ça aide dans deux ou trois choses. Non. La première, ça remplit de ton cœur d'apaisement. Quand je sais que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré telle chose à cause de tel et tel bénéfice, ça va quoi? Ça va, inshallah ta'ala, apaiser mon cœur. Je dis, alhamdoulillah, j'ai compris la sagesse derrière cette chose. La deuxième bénéfice, quand tu connais la sagesse, c'est que tu vas savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage. Car si tu ne savais pas la sagesse, peut-être Shaitan va te dire que non, donc Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, yani, comme ça, sans sagesse. Non. Maintenant, alhamdoulillah, j'ai le cœur apaisé que ce que fait Allah Azzawajal, c'est lui le sage. Et que tout ce qu'il fait, il le fait par sagesse. Et le troisième intérêt, quand quelqu'un connaît la sagesse, c'est que ça lui permet de faire ce qu'on appelle le qiyas. Qiyas qu'on appelle l'analogie. Pourquoi? Car vous savez que notre sharia, comme on dit, shari'atuna, la tufarriq bayna mutamathilayn. Comme notre charia ne sépare jamais entre deux choses qui se ressemblent, ni ne joint jamais entre deux choses qui ne se ressemblent pas. Si tu vas savoir, par exemple, que la sagesse du jugement, de l'interdiction, par exemple, de l'alcool, que, entre autres, parmi les sagesses, c'est par exemple, il y a ni que. L'alcool, ça va faire perdre la raison. Et quand on perd la raison, on peut dire n'importe quoi, et on peut insulter Allah, et on peut insulter son père, et on peut mille et une choses. Maintenant, tu as su que c'était, par exemple, ça, la sagesse. Et maintenant, tu sais que si je prends de la drogue, une cigarette qui contient de la drogue, ou un cachet qui contient ce qu'on appelle de la drogue, donc ça donne le même effet. Non, je sais plus où je suis dans les vapes, comme on dit, je suis dans les nuages, je peux dire n'importe quoi, je prie pas, etc. Je dis donc, puisque les deux ont maintenant, yani, la même sagesse. Non, sagesse, ici ça veut dire id, là je veux dire. Donc, voilà, si on boit ce que ça donne, si on boit l'alcool, et si on fume la drogue, voilà ce que ça donne. Et Allah Ta'ala parle des deux, de l'alcool, il a dit c'est interdit. N'a pas parlé de la drogue, mais donc aussi c'est interdit, parce que notre charia ne peut pas séparer entre deux choses qui se ressemblent. Deux choses qui se ressemblent à 100%. Et la première est haram, et l'autre est halal, ça n'existe pas dans la charia. Donc ce qui m'a permis d'arriver au jugement que la drogue est haram, c'est que j'ai su la sagesse qu'il y avait derrière l'interdiction de l'alcool. Donc ça aide. Celui qui connaît la sagesse d'une chose, surtout s'il est savant, ça l'aide bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maintenant, le cheikh va citer bi'idhnillah ta'ala, yani, quelques-unes des sagesses. Des sagesses, nan, que contient bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, quoi? Que contient le siyam. Là, avant que j'oublie, quand Allah Azza wa Jalla légifère quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? On a dit, il y a toujours une sagesse, et beaucoup de sagesse, beaucoup même. Non. Et on a dit que pas tout le monde peut connaître la sagesse ou les sagesses d'une chose. Et il y a même des choses, certains jugements, que jusqu'à présent, même les grands savants ne connaissent pas la sagesse qu'il y a derrière. Je vais citer l'exemple de pourquoi, par exemple, Salat al-Maghrib, c'est trois. Trois unités. Pourquoi c'est pas quatre? Le Sob, pourquoi c'est deux? Pourquoi c'est pas trois comme le Maghreb? Naam. Pourquoi l'Isha, c'est quatre? Pourquoi c'est pas trois? Et comme ça. C'est un exemple, là. Hein. Est-ce que quelqu'un peut nous donner, Annie, la sagesse? Il y a 100% que c'est à cause de telle et telle sagesse. Personne ne peut. Pourquoi, Yanni, on doit jeûner spécialement le Ramadan? Pourquoi pas, Yanni, le mois de Shawwal? On jeûne un mois. Pourquoi on jeûne le mois de Ramadan spécialement un mois? Non. Pourquoi c'est pas le contraire? Shawwal, un mois, et le Ramadan, on jeûne seulement 6 jours. Et comme ça. Donc il y a des choses que personne ne peut dire, je connais la sagesse. Mais les savants font des ijtihad. Ils font des efforts pour dire c'est peut-être à cause de ceci, à cause de cela. El Mouhim, je dis, si quelqu'un, les savants disent, si quelqu'un ne peut pas savoir la sagesse d'un jugement, yani la sagesse, c'est la sagesse particulière du jugement. Pourquoi Allah Ta'ala a légiféré telle et telle chose. Ils ont dit au moins, qu'il s'accroche à la sagesse générale. Qui est quoi? Je n'ai créé les hommes, les djinns et les ins et les humains que pour m'adorer. Donc, si quelqu'un ne peut pas savoir c'est quoi la sagesse particulière de cette chose, à la rigueur, je me tiens à la sagesse générale, qui est quoi? Que Allah Ta'ala ne m'a créé que pour l'adorer. Donc, Allah Ta'ala a légiféré cette chose, il a dit c'est interdit, je m'en éloigne. C'est pas la peine, je suis pas obligé de comprendre pourquoi. Il a dit ça, c'est obligatoire, j'essaye de faire cette chose. C'est pas la peine de me casser la tête. Non, il a dit ça, c'est interdit, je m'en éloigne. Si j'ai pas pu savoir pourquoi exactement c'est interdit, pourquoi exactement c'est obligatoire. Au moins, je m'accroche à yani, la sagesse générale, qui est le fait que on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'oublier, tout à l'heure, on m'avait dit, je crois, en PV ou je ne sais quoi, s'il y avait question-réponse après le cours, je dis, Inch'Allah ta'ala, question-réponse après le cours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les sagesses, il dit ici, parmi les sagesses, la première sagesse, Annahu, il parle du Ramadan, sababu li taqwa. إذا قام الصائم بواجب صيامه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون le jeûne, نعم c'est-à-dire le mois de Ramadan c'est un sabab c'est une cause للتقوى pour la piété نعم il a dit إذا قام الصائم بواجب صيامه à condition que يعني le jeûneur bien sûr يعني fasse le jeûne Ada. S'il le fait, c'est une condition. C'est un sabab. C'est un sabab. Yani, c'est un moyen pour arriver à la piété. Et il a cité le verset. Le verset. Naam. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit yani, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum al-siyam kama kutiba al-ladhina min qablikum. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Il dit ici, naam, le jeûne, il dit, فَالصَّائِمُ مَأْمُورٌ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Celui qui jeûne, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, une seconde, فَالصَّائِمُ مَأْمُورٌ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ. Et le jeûneur doit aussi, yani, observer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ujtinab nahihi et s'éloigner de ses interdictions. وَذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ بِالصِّيَامِ. Et c'est ça le grand but du siyam. C'est ça le grand but du siyam. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ تَعْذِيبَ الصَّلْبِ وَالنِّكَاحِ. Et ce n'est pas, et ce n'est jamais le but du jeûne, yani, c'est quoi? C'est que Yani, le jeûneur, yani, il va yu'adhibu nafsahu. C'est-à-dire que, comment ça s'appelle ça? Yani, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait le punir. Voulait le punir en lui disant, il faut pas manger, faut pas boire, et faut pas approcher, yani, le conjoint. Il a dit, c'est pas ça le but du siyam. C'est pas ça. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Ensuite, il a cité le hadith où le prophète alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas, yani la diffamation. Non, man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi. Et yani, le fait, disons, à l'appliquer. Ou le jahl, naam. Et l'ignorance, naam, il a dit, j'ai oublié une chose, c'est ça. Ou le jahl, falisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu sharabahu. Alors Allah Ta'ala n'a pas besoin que la personne se prive de manger ou de boire. Hadith authentique. Allah Ta'ala veut dire, si tu ne délaisses pas, yani, la diffamation et l'ignorance, etc. Ensuite, hein, tu vas croire qu'il faut juste ne pas manger et ne pas boire. Donc, il a dit, il vaut mieux. C'est comme si, yani, tu peux manger et boire. Non. Bien sûr, c'est interdit. Mais il veut te dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Le shir dit, qawl az-zur. Qawl az-zur, ici, la diffamation. Kullu muharram. La diffamation, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il veut dire qu'on doit délaisser la diffamation? La diffamation, c'est toute chose interdite. Toute chose interdite. Naam. Min al-kadib, comme le mensonge. Ou le riba. Naam. La médisance. Ou le shitm. L'insulte. Ou ghayr dhalika min a'mal muharrama. Et tout autre acte, naam, qui est interdit. Quant à l'amal bizor, naam, quant à yani, le fait de pratiquer. Yani zor, le fait de pratiquer zor, il a dit, c'est l'amal bi kulli fi'l muharram min l'udwan an-nas. C'est-à-dire qu'il a dit, on doit délaisser tout acte interdit. Tout acte interdit, on doit le délaisser, surtout pendant le ramadan. Il a dit, comme ta'addi l'udwan an-nas. Comme le fait, naam, de yani, faire du tort aux gens. Bi khiyana, par exemple, naam, en les trahissant. Aux riches, le fait de tromper les gens. Wa darb al-abdan, le fait de frapper les gens. Wa akhd al-amwal, le fait de leur prendre leurs biens et ce qui y ressemble. Wa yadkhulu fi al-istima' wa yadkhulu fi al-istima' ila al-muharram. Ila ma yahrum al-istima' ilayhi min aghani al-muharram wal-ma'azi. Et ça rentre dans cette interdiction et ça rentre dans zour ici, naam, ça rentre dans zor et diffamation, ça rentre quoi aussi? C'est-à-dire, ça rentre dans l'interdiction, il a dit. Ce qui est interdit, comme le fait d'écouter ce qui est interdit. Il a dit, comme les chansons interdites. Ou le ma'azif, les instruments de musique. Et il a dit, ou hiya alat allah, ou le jahl. Quand il a dit qu'il fallait délaisser aussi l'ignorance, il a dit le jahl huwa safah. C'est-à-dire le fait yani, de se comporter et d'agir d'une façon yani, comme yani, quelqu'un qui a perdu la raison ou quelqu'un qui est attardé mental. Yani, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi qui est contraire à la sharia. Il a dit wa huwa mujanabatu ar-rushdi fi al-qawli wal-amal. Naam. C'est-à-dire le fait de s'éloigner de ce qui est droit, naam, dans le fait de parler, dans le fait d'agir. فَإِذَا تَمَشَّى الصَّائِمُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ كَانَ الصِّيَامُ تَرْبِيَةً لِلنَّفْسِ. Maintenant, si jamais le jeûneur, celui qui jeûne, si jamais vraiment il applique ce verset, naam, et le hadith qu'on vient de citer, naam, alors son jeûne, il a dit son jeûne, le hadith deviendra quoi? Deviendra une éducation par rapport à son âme. Il va éduquer son âme bien. Wa tahdiban li akhlaqihi. Et yani, faire de ses qualités quelque chose de masha'Allah. Naam. Donc ça va éloigner de ses qualités tout ce qui est mauvais. Ça va lui donner de bonnes qualités. Wa kana istiqamatan li sulukihi. Naam. Kana istiqamatan li sulukihi. La même chose yani, par rapport à ses agissements. Ils vont devenir, masha'Allah. Et il n'a pas sorti du mois de Ramadan, il n'a pas sorti du mois de Ramadan, يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. Il a dit, et le mois de Ramadan, bi'idhna ta'ala, ne va pas yani, se terminer sans qu'on remarque que cette personne a beaucoup changé. Et que le Ramadan, bi'idhna ta'ala, et le jeûne, l'a beaucoup, yani, a eu beaucoup d'influence sur lui, sur cette personne, dont il a dit, fi akhlaqihi, yani, dans son comportement, hein, dans on dit akhlaq yani fi adabihi etc. n'am yani par rapport à son caractère et par rapport aussi à souluki à son comportement. Donc vous remarquez que on remarque quoi, que si quelqu'un après le Ramadan yani avant le Ramadan c'était quelqu'un qui était yani très frivole et qui disait n'importe quoi et qui disait des gros mots et qui ceci cela, et maintenant c'est le Ramadan, il a jeûné un mois. Et après le Ramadan, il est toujours le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ramadan qu'il a jeûné, ce n'était pas yani, le vrai Ramadan qu'il fallait jeûner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a jeûné le Ramadan, mais il n'a pas appliqué yani, ce qu'il fallait faire pendant le Ramadan, ou bien il ne s'est pas éloigné ce dont il fallait s'éloigner pendant le Ramadan. Pour que vous compreniez. C'est un peu comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar. Allah ta'ala en parlant de la salat dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit tanha 'anil fahsha wal munkar. Elle a deux buts. Tanha 'anil fahsha wal munkar. Elle éloigne, alhamdoulillah, de ce qui est turpitude, et ce qui est munkar. Et ce qui est yani ce qui n'est pas bien, ce qui est vice, ce qui est grand péché, ce qui est zina, ce qui est comme ça. C'est quoi ça? C'est la salat. Il a dit tenha an al fahsha wal munkar. Et maintenant, si on va voir quelqu'un qui prie depuis 10-20 ans et il boit toujours peut-être de l'alcool en priant. Le soir il boit, ou bien il fume de la drogue, ou bien il fait la zina, ou bien il vole, etc. Alors qu'est-ce qu'on va dire? De deux choses l'une. Ou bien lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran que la salat éloigne des vices, etc., que ce n'est pas vrai, astaghfirullah, et là on devient un kafir, on a démenti Allah, on a dit il y a une faute dans le Coran, c'est pas vrai. Ou bien, c'est la personne qui est dans la faute. C'est-à-dire que la personne, elle, a prié. C'est-à-dire que la prière qu'a prié la personne, c'est pas la prière citée dans le verset. La prière citée dans le verset, Allah Ta'ala l'a décrite comme quoi elle éloigne la personne des vices et des turpitudes et des grands péchés. Et puisque cette personne a prié et ne s'est pas éloignée, donc conclusion, cette personne n'a pas prié la prière inscrite ou décrite dans le Coran. C'est une autre prière. Non. C'est pas possible que quelqu'un prie la vraie prière et ensuite, yani, il est noyé dans les grands péchés. Non, c'est possible qu'il en fasse. Il n'est ni un ange ni un messager. Mais être noyé dans les péchés du matin au soir, et tout le temps la zina, et tout le temps l'alcool, et ceci, les vols, les mensonges, tous les vices, non. Non, ça c'est pas possible. Il ne prie pas la vraie prière. Al-Muhim. Cheikh dit, parmi aussi, le fawaïd, yani les intérêts, les bénéfices du siyam, il a dit, أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشرب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته فيتبين بذلك إثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا. Donc il y a aussi parmi les sagesses, il a dit أنه عبادة. Ce jeûne c'est quoi? C'est d'abord une adoration. Et moi, je n'ai été créé que pour pourquoi? Que pour adorer Allah Azza wa Jalla et me rapprocher de lui. Donc maintenant, je ne cherche même pas à comprendre pourquoi il y a ce que je sais, c'est une adoration. Et moi, j'ai été créé pour adorer. Donc, je ne suis pas obligé de savoir quels sont les bénéfices de Siyam. Non. Il dit ici, Cheikh Rahimallah Ta'ala, et cette adoration te permet, cette adoration consiste en quoi? Il a dit, en ce que tu délaisses les choses que tu aimes par nature. Naam. Les choses que tu aimes par nature. Il a dit, comme le fait de manger, le fait de boire et le fait de s'approcher, par exemple, du conjoint si quelqu'un est marié. Ce sont des choses qu'on aime par nature. Ce n'est pas nous qui aimons cela. On a été créés ainsi. Personne ne peut se passer du fait de boire ou du manger ou de s'approcher du conjoint s'il est marié. Mais toi, tu vas délaisser cela pour espérer avoir le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obtention de l'au-delà. De l'au-delà. فيتبين بذلك إثار تبين بذلك إثاره لمحبوبات ربي على محبوبات نفسه نعم et donc en faisant ainsi la personne le jeune a prouvé quoi subhanallah العظيم a prouvé que il donne prééminence et préférence نعم aux choses aimées par son Seigneur sur les choses aimées par lui-même et il donne prééminence, naam, et préférence à l'au-delà sur la vie d'ici-bas. À l'au-delà sur la vie d'ici-bas. Car s'il avait voulu, il n'aurait pas jeûné. Mais quand même, il a délaissé tout ce qu'il aime pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et parmi le hikm, parmi aussi ce qu'on appelle les sagesses, il y a dans le siyam le fait de jeûner il y a an al ghani ya'rif qadra ni'mati llahi 'alayhi bil ghina haythu inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yassara lahu al husul 'ala ma yashtahi min ta'am wa sharab wa nikah mimma abaha Allah shar'an wa yassara lahu qadran fayashkuru rabbahu 'ala hadhihi al ni'ma wa yadhkuru akhahu al faqir alladhi لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان نعم parmi les sagesses du jeûne c'est que ce jeûne نعم te permet بإذن الله سبحانه عز وجل نعم أن الغني يعرف قدر الله permet disons au riche par exemple et celui qui a les moyens il lui permet de connaître la ni'ma d'Allah سبحانه عز وجل نعم car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné naam, tout ce qu'il désire comme boire manger et le fait de s'approcher du conjoint naam fayashkur rabbahu 'ala hadhihi an-ni'ma wa yadhkur akha al-faqir طيب maintenant la personne pendant la journée naam, donc elle est privée de quoi au moins du manger du boire et du fait de s'approcher de l'autre. Et maintenant, le soir, quand c'est le moment de manger, ces trois choses au moins deviennent halal, alors qu'elles ont été interdites pendant la journée. Il a dit ici, donc ça te pousse à quoi? Reconnaître la grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, s'il avait voulu, il aurait pu faire que tu dois jeûner par exemple trois jours consécutifs, ou bien une semaine, tu ne touches pas à ces choses. Allah Ta'ala t'a dit non, seulement du début, du lever du soleil jusqu'à son coucher, c'est tout. Et quand il te prive de ces choses et te les redonne le soir, tu vas sentir une grande ni'ma, une grande joie. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que le jeûneur avait deux joies. La première, il a dit celle où il va manger le soir, et la deuxième, quand il va rencontrer Allah Ta'ala. Nous, on parle de quoi ici? De la première. Celle de quand il va manger le soir. Il n'y a pas une personne qui fait le jeûne et qui n'est pas joyeuse le soir quand elle va manger. Il n'y a pas. Tout le monde, Yanni, est content quand il va manger. Pourquoi? Donc, le halal, qui est devenu haram pendant la journée, est redevenu halal le soir. Donc, c'est quand ensuite on lui a donné, Yanni, on lui a redonné sa liberté. Naam. Et il a dit ici le cheikh, et bien sûr, et le croyant pensera, inshallah ta'ala, son frère le pauvre qui peut-être n'a pas les moyens d'avoir ses ni'ma, même le soir. Et on a comme ça des pauvres qui, même le soir, tout juste s'il arrive à avoir quelques dattes ou un peu de lait et du pain, c'est beaucoup. Non. Et parmi les sagesses du jeûne aussi, التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة. Parmi les sagesses aussi du jeûne, il y a que ça va t'apprendre, ça va t'entraîner à ce que la personne yani, commence à yani, maîtriser son âme et à se maîtriser jusqu'à ce que ce soit lui qui commence, yani, qui maintenant c'est lui qui la dirige. C'est lui qui la dirige, nam, en la dominant, nam, et en la poussant à ce qu'elle aille. À ce qu'elle fasse ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui pousse vers yani, l'akhira et l'au-delà. ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن الذات أو شهوتها لما فيه مصلحتها. Et le jeûne va te pousser bi'idhnillahi ta'ala à ce que tu t'éloignes du fait d'être yani, une personne bestiale. Une personne qui ressemble aux bestiaux, aux animaux. Comment ressembler aux animaux? Le fait que on ne peut pas se contrôler. Et on ne peut pas, yani, on ne peut pas éloigner yani, notre nefs des choses qui sont haram. Tout désir, on laisse notre nefs le faire. Donc ici, on est devenu comme un animal. C'est l'animal qui... Non, Fawzi, tu m'entends? Fawzi. Had les grésillements, quand est-ce qu'ils ont commencé? Quand est-ce qu'ils ont commencé? Du début du cours ou là, maintenant? Maintenant. Et maintenant, à cet instant, je suis en train de parler. Il y a des grésillements ou il n'y en a pas? Maintenant, en ce moment. Il y en a ou il n'y en a pas? C'est bon. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc on va essayer de continuer, inshallah ta'ala. Il reste à peu près 10 minutes. Hein. Il reste 10 minutes. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, je dis que le siyam, ça te pousse à quoi? À sortir, ça nous pousse à sortir de la bestialité. Car sinon, on devient comme les bestiaux. Si on a envie de manger, on mange. Si on a envie d'assouvir les passions, on assouvit. Donc là, c'est un animal. Mais là, je me retiens. J'ai envie de boire, je ne bois pas. J'ai envie de manger, je ne mange pas. J'ai envie de m'approcher de mon épouse, je ne m'approche pas. Jusqu'à ce que le soleil se couche. J'ai envie de dire quelque chose de haram, je ne dis pas. J'ai envie d'écouter le haram, je n'écoute pas. Non, le ramadan est en train de m'entraîner. Je m'entraîne, bi'idhnillahi ta'ala, pour que ça devienne comme ça, une habitude après le ramadan, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. نعم. ومن حكم الصيام وparmi aussi les hikmah les bénéfices et les sagesses ما يحصل من فوائد صحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. Il y a aussi parmi les sagesses بإذن الله سبحانه وتعالى qui ont rapport avec la santé. Car, alhamdoulilah, le siyam, tout le monde reconnaît que, alhamdoulilah, yani c'est un repos pendant un mois pour l'estomac. Naam. Et que ça a beaucoup de bénéfices, yani, par rapport, yani, médicaux, si je puis dire, par rapport à la médecine. Naam. Donc ça permet, naam, à mon appareil digestif de se reposer. Au moins pendant cette période. Et ça permet aussi de faire repousser yani, tout ce qui est nuisible au corps humain, comme rotobet et yani, les choses yani, comme la graisse, etc. Tout ça, ça va fondre avec le jeûne. Reste que je voudrais dire ici une chose aussi qui est importante. Même si le jeûne contient ce qu'on vient de citer maintenant dans la dernière sagesse, c'est-à-dire que par exemple ce qui a rapport avec la médecine, Même quand on fait la da'wa aux gens, on ne doit pas yani, se baser seulement sur cette chose. Quand il y a des gens qui font par exemple la da'wa au kuffar, ils leur disent par exemple il faut jeûner, etc. Et si l'autre il dit pourquoi par exemple on doit jeûner, il lui dit parce que yani, ça contient des bénéfices au niveau de la santé, au niveau de l'appareil digestif, de l'estomac, etc. C'est pas comme ça qu'on fait la da'wa. Ça, tout le monde peut le dire. Même un kafir, il va te dire que si tu jeûnes ça, ça va donner ce résultat. Mais ça, on doit le dire, mais en dernier. On commence par dire que, car c'est un pilier. Ça fait partie des 5 piliers. C'est une obligation. C'est une adoration. Ensuite, on cite, il y a les bénéfices, et on dit, entre autres, ça contient un bénéfice qui a rapport avec la santé, bi'idhnillahi ta'ala, et comme ça. Car certains, comme j'ai dit, se basent seulement sur les choses de la dunya, les bénéfices de la dunya. En parlant aux gens de la salat, ils leur disent c'est un sport. C'est un sport la salat. Ça permet de, yani, tu vas te prosterner, tu vas t'incliner, donc la colonne vertébrale, les os, ceci, cela. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas pour cela qu'on doit prier. On prie parce qu'Allah Ta'ala, yani, nous a ordonné, car c'est une obligation, car c'est un pilier. Car si on meurt, c'est la première chose de laquelle on va être questionné. Et comme ça. Et ça n'empêche pas que celui qui prie, par exemple, Masha'Allah, yani, pour son corps, il sera toujours Masha'Allah, comparé à celui qui ne prie pas. Regardez un vieux qui a 80 ans, qui prie, 80 ans, qui prie, et celui qui a 80 ans et qui ne prie pas, vous allez trouver le deuxième qui ne prie pas, il n'a jamais prié, ses os sont rouillés. Sont rouillés. Si on va lui dire, essaye de t'incliner, il ne peut pas. Il dit, ah, j'ai mal au dos, je ne peux pas m'incliner. Et l'autre, 80 ans, mais Allahu Akbar. Il dit, Allahu Akbar, il se prosterne. Non. En ce sens, il y a le sport dont on parle. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de la salat, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va passer vite à Shurut Siyam. Shurut Siyam. Naam. Cheikh dit, rahimahullah ta'ala, wa sawmu faridatun ala kulli muslim baligh aqil. Il a dit, le jeûne, naam, le jeûne, c'est une obligation pour tout musulman pubère, naam, et aqil. Aqil, ça veut dire qui raisonne. Et moi, j'ai ajouté ici deux choses que Cheikh n'a pas ajoutées, mais qui sont en bas. Il a parlé de ces deux choses sans les ajouter. J'ajoute sahih, c'est-à-dire il ne doit pas être malade, et muqim, il ne doit pas être en voyage. Donc je répète, pour que le somme soit obligatoire, le siyam soit obligatoire, il faudrait que la personne soit un musulman. Il faudrait qu'il soit pubère. Il faudrait qu'il ait la raison. Et il faudrait qu'il soit pas malade, en bonne santé, il faudrait pas qu'il soit voyageur. Voyageur. On va commencer, inshallah ta'ala, une par une, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quand on a dit que c'est obligé, il a dit, on a dit, le somme farida ala kulli muslim. Le siyam est une obligation pour chaque musulman. Pour chaque musulman. Ça veut dire quoi? Le kafir, il ne doit pas jeûner, car même s'il va jeûner, ce n'est pas accepté. La première condition, il faut qu'il soit un musulman, il faut qu'il soit un croyant. Mais quand on dit cela, ça ne veut pas dire que le kafir, donc c'est une comment on dit ça, c'est une permission pour lui. Donc il a la permission de ne pas jeûner. Alhamdoulilah, je suis kafir, je jeûne pas. Mais on lui dit, tu dois jeûner dans le sens où tu dois rentrer en islam pour commencer à jeûner. Comme la salat. Si tu pries, ce n'est pas accepté. Si tu pries maintenant en temps de mécréance, ce n'est pas accepté. Mais ça ne veut pas dire que tu as la permission de ne pas prier. Tu dis, je suis kafir, donc je prie pas. Non, il faut prier pour prier. Il faudrait y aller, rentrer en islam, embrasser l'islam et commencer à prier. Non, c'est pour cela que Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de, dans le Coran, est en train de parler des gens qui sont au paradis, ensuite sont allés voir les gens qui sont en enfer. Ou bien ont jeté un coup d'œil du paradis, et ils ont vu les gens qui sont en enfer. Car quelqu'un qui est au paradis, il va pas entrer en enfer pour voir. Mais de loin comme ça, il a vu yani, les gens qui sont en enfer, et ils étaient en train d'être questionnés. Afoun, et ils les ont questionnés. Masalaka kum fi saqar. Qu'est-ce qui a été yani, la cause que vous soyez maintenant dans le feu? Ils parlent des kuffars. Hein? La première phrase dans la réponse, ils ont dit Lam nakou min al-musallin. On ne priait pas. Ou Lam nakou nut'im al-miskin. On ne nourrissait pas les pauvres. Ou kunna nakhoud ma'a al-kha'idin. Et on marchait avec n'importe qui. Nam, à tout vent, comme on dit. Ou kunna nukadlibou bi'youm din. Et on démentait, démentir. On ne croyait pas au jour yani, dernier. Ce qui veut dire que ce sont des kuffars. Mais ils ont commencé par quoi la première phrase? Ils ont dit on n'était pas des prieurs. Ce qui veut dire que le kafir doit prier. Et que Yom al-Qiyamah, quand on va lui dire pourquoi tu es en enfer, il ne va pas dire c'est à cause de la mécréance. Il va dire à cause de je ne priais pas. Pour savoir que la prière, c'est très grave pour celui qui la délaisse. Qu'il soit musulman ou qu'il soit kafir. Et beaucoup de savants, bien sûr, disent que même le musulman, s'il la délaisse, il devient kafir. C'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, et tous les grands savants d'Arabie Saoudite contemporains. Sauf deux ou trois, entre autres, Cheikh Ubayd al-Jabir, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il n'est pas kafir, c'est-à-dire qu'il joint l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Yani, c'est sa dernière parole. Sinon, Cheikh Ubayd, il y avait seulement une année, il disait qu'il était kafir. Ou plus, disons deux années, parce qu'il y a une année, il a dit maintenant je suis au milieu. Je ne dis ni les kafirs ni les musulmans. Je reste au milieu, je suis en train de faire des recherches. Car auparavant, il disait il était kafir. Mais maintenant, ça fait 3 ou 4 mois, il a dit il n'est pas kafir. Il a dit je suis de l'avis qui dit qu'il n'est pas kafir, le musulman, par paresse. Mais nous, on ne dit pas ça aux gens. Là, on dit ça au tol de la boulain, mais les gens de la masse, je ne lui dis pas que ceci, cela. Je lui dis le prophète Hassan m'a dit qui la délaisse en parlant de la salat, il devient kafir. Au moins pour lui faire peur. Tu vas dire, il y a qui disent qu'il n'est pas kafir, il y a Cheikh Al-Albani, il y a ceci. Il va dire, moi je prends de la vie de l'Albani. Allez, je ne prie pas, et puis je suis musulman, je ne perds rien. Non, ça c'est par rapport au Talib al-Ilm, quand il dit, donne-moi les dalils, je lui donne. Mais si je parle avec ma mère ou mon grand-père ou le voisin, là, je lui dis, voilà ce qu'a dit le prophète, il a dit que celui qui ne prie pas, il est kafir. Donc c'est très grave celui qui ne prie pas. Donc nous quand on a dit kafir, quand on a dit som farid ala kulli muslim, on a dit que le kafir lui-même doit quoi? Doit bi'idhnillahi ta'ala rentrer en islam pour prier. Naam. Et comme disent les Ossolions, ils disent que c'est la vie le plus juste que le kuffar mukhataboun bil furu'. Ça veut dire les kuffars, naam, il leur est aussi obligatoire, naam, d'appliquer le furu'. C'est quoi le furu'? Il y a l'osol et il y a le furu'. L'osol, c'est les bases, les piliers. Et il y a le furu', ce qui vient après. Je donne un exemple. Les piliers, par exemple, siyam, salat, zakat, al-hajj, les cinq que vous connaissez. Ça, les kuffars, ça leur est aussi demandé. Ça, c'est demandé aux kuffars qu'il fasse l'attestation, qu'il prie, qu'il aille au hajj, qui ceci. En commençant par l'attestation, bien sûr, en devenant musulman. Mais le furu', c'est ce qui vient après. C'est-à-dire le fait de ne pas boire l'alcool, de ne pas faire la zina, de ne pas mentir, de ne pas voler, le fait de dire les bonnes choses, le fait d'aller yani, chez ses parents, de la piété familiale, le fait de donner aux pauvres de l'aumône. Les choses qu'on appelle le furu', qui ne sont pas des piliers. Est-ce que les kuffars aussi, ça leur est demandé ou pas? L'avis le plus juste, que ça leur est demandé aussi. Ça leur est demandé aussi. Et que aussi ils doivent faire yani, ces choses-là. Maintenant, si quelqu'un va dire, quelqu'un va dire, c'est quoi Samaratul Khilaf? Maintenant, parce qu'il y a une divergence parmi les savants par rapport aux forts, pas par rapport aux piliers, par rapport aux choses qui viennent après, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les kofars, ça, yani, ils sont, comment on dit le mot, ça les, c'est pas ça les intéresse. Est-ce que, yani, eux aussi, ils sont impliqués par ça, ou bien non? Je dis la vie le plus juste, c'est que eux aussi, les kofars aussi, ils doivent faire les forwa, ils doivent les faire et les appliquer et s'éloigner du Muharram. Maintenant, le fruit de la divergence, c'est que si tu dis que les kofars, yani, ne sont pas concernés par le forwa, ils sont concernés seulement par les piliers, ça veut dire que Yom al-Qiyamah, quand il va mourir, le kafir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler seulement des piliers. Il va lui dire pourquoi tu n'es pas rentré en islam. Pourquoi tu n'as pas prié, tu n'as pas fait la zakat, tu n'as pas fait yani, les 5 choses. Mais, si tu vas dire que le kafir est intéressé aussi et concerné par le forwa, ça veut dire que yani, non seulement il va aussi être questionné sur ces choses, mais encore, il va être puni naam, et torturé sur ces choses-là. Ça veut dire le kafir, il sera torturé Yom al-Qiyamah à cause du kofr, plus le forwa, plus pourquoi tu as menti, pourquoi tu as volé, pourquoi tu as fait la zina, pourquoi tu as escroqué, pourquoi tu as triché, pourquoi ceci, comme le musulman. Et bien sûr, la différence, quelqu'un va dire, oui, mais le kafir, déjà, il sera jeté en enfer à cause du kofr. Pourquoi maintenant on va lui parler de la zina et de l'alcool, etc., alors qu'il est déjà en enfer? On va lui dire justement. Le kafir, qui était mécréant toute sa vie et qui n'a pas bu d'alcool, son châtiment est moins grave que le kafir, hein, qui est kafir comme lui et qui a bu de l'alcool. Et le kafir, qui était kafir et n'a pas bu d'alcool, n'a pas fait de zina, son châtiment est moins grave que celui qui, le kafir, qui buvait de l'alcool et faisait la zina. Parce que le deuxième, il sera puni à cause du kofr. Plus zina, plus alcool. Plus vol, plus escroquerie, plus mensonge, plus tricherie, plus ceci, plus cela. Vous avez compris? C'est pour cela que si on va prendre un exemple, on va prendre les deux oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib et Abu Lahab. Les deux sont ses oncles paternels. Les frères de son père, Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire le prophète alayhi salam. Donc, vous savez bien que Abu Talib, ce sera le kafir qui aura le adab, le supplice, le moindre parmi tous les kofars. Et Abu Lahab, son frère, sera parmi ceux qui auront le plus grand supplice parmi les kofars. Et pourquoi? Ce sont tous les deux des kofars. Oui, mais il y a une grande différence entre le kafir numéro 1, Abu Talib, et le kafir numéro 2, Abu Lahab. Abu Talib, il était kafir, mais n'a pas fait de mal, ni au prophète, ni à qui, ni aux musulmans. Mieux encore, il les a aidés. Alors que Abu Lahab, du matin au soir, son grand ennemi, c'était qui? C'était le prophète, al-Islam et l'islam. Donc, même si les deux se sont des kuffars, c'est ça l'adala, la grande justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que même parmi les kuffars, que même les kuffars ne sont pas yani, dans le même degré de jahannam. Il y a kafir, qui est kafir, c'est vrai, mais qui n'a pas fait de grands dégâts par rapport aux autres kuffars qui ont égorgé les musulmans, qui ont tué, qui ont fait tous les vices du monde et tous les péchés du monde. Il y a des kafirs qui est dans sa chambre enfermée, il reste en face de la télé, c'est tout ce qu'il fait. Et il va au travail, il revient le soir, il n'aime pas mentir, il n'aime pas voler, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Hada, il a gagné quoi? Il a gagné que il est mieux que le kafir qui a fait tous les vices. Non. Même si, bien sûr, le fait déjà d'être jeté en enfer éternellement, ça suffit. Ça suffit. Yani, en ce sens, il n'a rien gagné. Mais comparé à d'autres, yani. Ça, c'est quand on a dit qu'il doit être, il doit être يعني مسلم, il doit être مسلم. طيب, qu'est-ce qu'il reste? بالغ عاقل صح مقيم. On va dire inshallah ta'ala les quatre autres choses pour le prochain cours bi'idhnillah ta'ala, car sinon يعني ça va nous prendre beaucoup de temps. نعم, il reste beaucoup de choses à dire bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, parce que si je dois continuer les quatre autres choses, je dois aller assez vite. Si je dois aller assez vite, je dois, yani, beaucoup de choses, je ne vais pas les dire. Beaucoup de bénéfices et beaucoup de choses qui sont bien pour Talibul Ilm, il ne va pas les entendre. Donc je vais, comment dire, yani, résumer comme ça et passer très vite. Ce n'est pas la peine. Taïb. Asna. Ou alors il y a mieux. Ou alors il y a mieux. Bon, parmi les choses, donc il y a cinq choses. Il doit être musulman, pubère, il raisonne, il doit être pas malade et il doit pas être voyageur. On va faire les trois aujourd'hui, on va laisser pour le prochain cours pas malade et pas voyageur. Taïeb. Donc la deuxième condition, il doit être balir. Il doit être balir. Balir, ça veut dire pour que la personne, pour qu'il soit obligé de jeûner, elle doit être pubère. Donc tout enfant qui n'est pas pubère, le jeûne n'est pas obligé pour lui. Tout enfant qui n'est pas pubère, la salat n'est pas obligée pour lui. Tout enfant qui n'est pas pubère, le hajj n'est pas obligé pour lui. La zakat n'est pas obligée pour lui. Tout enfant qui n'est pas pubère, s'il fait tous les péchés du monde, naam, rien ne se marque contre lui. Les anges n'écrivent rien contre lui. Mais il y a une chose. Celui qui n'est pas pubère, s'il fait de bonnes choses, naam, ça compte pour lui. Ça compte pour lui. Et s'il fait des mauvaises choses, ça compte pas pour lui. Masha'Allah, regardez. Rahma ta'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma ta'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, l'équitable, le juste, aurait pu dire, naam, pour celui qui n'est pas pubère, s'il fait une bonne chose, naam, ça s'inscrit pour lui. Et s'il fait une mauvaise, ça s'inscrit contre lui. Mais non. Naam. S'il fait une bonne chose, ça s'inscrit pour lui, s'inscrit. S'il fait mauvaise chose, ça ne s'inscrit pas. Rahma, min Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une chose. Celui qui n'est pas pubère, non, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas jeûner. Plutôt, c'est pas il ne doit pas. Il ne jeûne pas. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il ne prie pas. Le hadith a dit que il fallait, quand ils ont 7 ans, commencer à leur dire de prier. Pourquoi? Pour les entraîner, les habituer. La même chose pour le somme. Si on laisse quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et des fois il ne devient pubère qu'à l'âge de 15 ans, après il va dire j'ai des difficultés pour jeûner. Mais si à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on lui dit jeûne 2 ou 3 jours, la prochaine année, jeûne une semaine, l'autre année, 14 jours, 15 jours, ensuite 20 jours, et ensuite il jeûne par exemple le mois complet. Alhamdoulilah, il va s'entraîner et s'habituer. Les sahaba, radiyallahu ta'ala, comme dans le hadith de Bukhari, les sahabiyettes, les femmes, quand elles allaient aux mosquées, elles prenaient avec eux leurs enfants pour écouter le cours. Peut-être qu'elles n'avaient pas où les laisser. Tab. Et c'était pendant le ramadan. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient avec elles, puisque il y en a la plupart tricotées, si je puis dire, beaucoup de femmes tricotées. C'est pas comme maintenant, il y a la machine. Donc, elles prenaient les aiguilles pour tricoter. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle construisait des petits ballons en laine, avec de la laine, et donnait aux enfants pour jouer. C'est spécialement pourquoi? Pour yani, leur faire oublier yani, ce qu'ils sentent comme faim. C'était aussi pour les entraîner à jeûner. Donc ils prennent avec eux, c'est ça autrefois les jouets. C'est pas comme maintenant, yani, le voiture ou je ne sais quoi avec télécommande et l'avion qui commence à voler et qui va frapper la tête de l'imam. Ah, mais ensuite c'est des dégâts dans la mosquée. Al-Muhim, je disais, donc l'enfant c'est bien de lui apprendre comme ça, jeune, de lui apprendre pour qu'il s'entraîne bien l'intérieur. Ensuite une chose importante, c'est que l'enfant, celui des parents, celui des deux parents, qui lui dit par exemple, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, ceci, cela, et il commence à prier ou bien de jeûner, d'après ce qu'il a entendu de l'un des deux parents, c'est celui qui lui a dit qui aura des récompenses aussi, bi'idhnillah ta'ala, Car c'est lui qui a été la cause pour que son enfant a commencé à jeûner et son enfant a commencé à prier bi-idhnillahi ta'ala. Donc, yani c'est une occasion pour nous les parents de prendre aussi des récompenses quand on dit à nos enfants de yani, il faut prier, il faut jeûner, il faut pas mentir, il faut pas faire ceci. Même quand ils délaissent le haram à cause de nous, on a aussi des récompenses bi-idhnillahi ta'ala. Et quand ils font le wajib, ou là ils font les choses qu'aime Allah ta'ala à cause de nous, on a aussi des récompenses bi-idhnillahi ta'ala. Troisièmement, la personne qui doit jeûner, donc, afoun. Et comment on sait qu'un enfant est devenu pubère? Si c'est un. Naam, il y a d'abord les signes yani, qui sont aux garçons et aux filles. Et il y a un signe qui se rajoute seulement par rapport à la fille. Donc par rapport à la puberté, on voit s'il y a des poils, par exemple, dans les parties intimes, naam, ou bien si la personne a commencé à avoir par exemple des rêves, j'ai oublié comment on dit ça, yani, ou dans le rêve, peut-être des rêves érotiques. Dans les rêves, vous voyez des choses et il y a un liquide yani, qui va sortir de lui, c'est-à-dire il va éjaculer. Naam, même dans le rêve, ça s'appelle en arabe l'ihtilam. Naam. Et il y a aussi le fait que, yani, disons que le liquide sorte de la personne en état d'éveil. D'éveil. Naam. Si par exemple il pense à une chose, ou bien je ne sais pas, que Allah Ta'ala nous préserve avec sa main, il peut faire une chose et il va éjaculer le liquide. Dans ce cas, il est devenu pubère. S'il n'est pas pubère, il ne peut pas faire cette chose. Et pour la femme, c'est les menstrues. Pour la fille, c'est les menstrues. Maintenant, s'il n'y a pas un de ces trois signes ou quatre signes qu'on va citer, et que l'enfant a 15 ans, qu'il soit un garçon ou une fille, il est pubère. Classe. 15 ans, pubère. Même s'il n'y a aucun des signes, il est pubère à cause de l'âge. Et l'âge, c'est l'un des signes. C'est l'un des signes. Car on n'a pas dit qu'il doit avoir tous les signes. L'un de ces quatre signes qu'on a cités, ça veut dire la puberté. Et le délil de l'âge, c'est que le Abdullah ibn Omar et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhuma, ils se sont approchés du prophète sallam, ils voulaient partir avec lui dans une bataille. Il a demandé leur âge, il a su qu'ils avaient 14 ans, 14 ans. Et il n'a pas accepté. Il les a rendus chez leurs parents, renvoyés chez leurs parents. L'autre année, il y avait une autre bataille, l'année d'après. Ils sont venus, il les a acceptés. Pourquoi? Ils avaient 15 ans. Et pourquoi il les a acceptés parce qu'ils avaient 15 ans? Parce qu'ils étaient devenus pubères. Avant la puberté, ce n'était pas obligé pour lui qu'il aille au djihad. Non. Maintenant, 15 ans, khlas, il est responsable. Bi-idhnillahi. On avait dit, il y avait aussi une condition. Donc, la première condition, il faut qu'il soit musulman. La deuxième, il faut qu'il soit pubère. La troisième, il faut qu'il soit, yani, qu'il ait la raison. Donc, toute personne qui a perdu la raison, qui est devenue folle, ou bien qui est devenue âgée au point où elle dit n'importe quoi, ou bien qui est atteinte, que Allah Ta'ala nous préserve, de la maladie d'Alzheimer, allez, où la personne ne sait plus ce qu'elle dit, ne sait plus ce qu'elle fait, etc. Dans la période où elle est dans la période où elle est dans la phase où elle sait plus ce qu'elle dit ou plus ce qu'elle fait, naam, yani, elle n'est pas obligée de jeûner ni de prier. Car pour jeûner ou pour prier, on avait dit il y a la condition d'avoir la raison avec soi. La raison avec soi. Celui qui a perdu la raison ne prie pas ni ne jeûne pendant le moment où il a prié. Afwan, où il a perdu la raison. Non. Et celui qui a perdu la raison, bien sûr, ni il va jeûner, ni il va quoi? Ni il va aller faire nourrir un pauvre. Parce que beaucoup de gens, ils disent par exemple, mon père, là, s'il a perdu la raison, donc comment qu'on va faire? Donc il n'a pas jeûné pendant un mois, donc ou bien on va jeûner à sa place, après le ramadan, on va rattraper, ou bien on va faire nourrir 30 pauvres, parce qu'il n'a jeûné aucun jour. On va leur dire, ça c'est faux. Ça c'est faux. Tu jeûnes à la place de quelqu'un, ou bien tu nourris un pauvre pour chaque jour qu'il a mangé, si quoi? S'il n'était pas malade, il pouvait rattraper, il ne l'a pas fait, il est mort. Mais maintenant, cette personne, elle est vivante et elle ne peut pas jeûner. Elle-même, elle ne peut pas jeûner. Si elle ne peut pas, c'est qu'elle n'a pas, parce qu'elle n'a pas la raison. Elle ne peut pas donc jeûner. Et si elle jeûne, ce n'est pas accepté d'elle parce qu'elle a perdu la raison. Donc comment tu vas rattraper à sa place? Tu ne vas pas rattraper. Mais si la personne l'a guérie, ensuite, elle n'a pas rattrapé. Et elle meurt, dans ce cas, oui. Elle est restée comme ça des jours sans rattraper, elle est morte. Dans ce cas, on rattrape à sa place ou bien on nourrit. Et si elle-même, elle ne peut pas jeûner, comment tu vas jeûner à sa place ou bien faire mourir, nourrir un pauvre? Alors que le siyam, par rapport à cette personne, n'est pas obligé. Et qu'est-ce qu'il faut aussi pour quelqu'un pour qu'il jeûne? Il faut que il soit pas malade, en bonne santé, et il faut qu'il soit, ne soit pas voyageur. Ces deux choses, on les laisse, inshallah ta'ala, pour le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il faut faire vite pour les questions, parce qu'il reste seulement à peu près 20 ou 25 minutes. Ah, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Cheikh, de notre côté, on est prêt. J'ai déjà reçu trois questions. Donc vous me faites signe si vous voulez commencer ou si vous voulez vous reposer un peu, inchallah. Tfaddal, cheikh. Non, je ne me repose pas parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Hein, dit Wahda. Deuxièmement, avant de commencer la première question, dis-moi, est-ce que ça marche toujours le frère qui nous prépare le programme, Inch'Allah Ta'ala? Ben Barka, tfadl. Ah, mon cher, j'ai pris des nouvelles de lui, mais ça prend du temps, mais inchallah, ça c'est en cours, inchallah. Donc, première question, cher, question d'une sœur qui dit: j'ai 57 ans, je suis diabétique, elle veut dire je suis diabétique type 2, je jeûnais, alhamdoulillah, mais je viens d'être hospitalisé pour hypertension. Qu'Allah Azzawajal vous en préserve. J'ai deux cachets à prendre à midi à 12 heures d'intervalle. Ayant peur pour ma santé, je ne sais pas si je dois jeûner. Jazakumullahu khayran, sachant que je vais demander à ma docteur, Inch'Allah. Tfaddal, cher. Walaykoum salam, rahmatoullah wa barakatuh. Justement, c'est ça la réponse. Elle demande au docteur, même s'il est kafir, dit Cheikh Ibn Uthaymeen, à condition qu'il ne soit pas quelqu'un contre l'islam. Si c'est quelqu'un contre l'islam, il va dire c'est quoi ce jeûne, il va peut-être insulter, il va dire il ne faut pas jeûner. Non, si c'est quelqu'un de amin, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, même s'il est kafir, s'il te dit il ne faut pas jeûner, il ne faut pas jeûner. Parce que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné la permission de ne pas jeûner et de rattraper après la guérison, ou bien si c'est le genre de maladie un pauvre, pour chaque jour manger, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fik ya cher. Donc, seconde question d'une sœur qui dit: j'ai une amie qui a du mal à jeûner, à pratiquer tout court. Donc, c'est-à-dire à pratiquer la religion tout court. Elle a du mal à pratiquer. Comment pourrais-je l'aider à jeûner en entier ce mois-ci? Comment réussir à la convaincre? Barakallahu fikoum ya cher. Qu'Allah vous récompense pour tout le bien que vous faites, comme votre retour nous fait du bien. Tfaddal, cher. Et naam, wallah, ce genre de personnes, yani, on a beaucoup. On a beaucoup qui ont la foi faible et qui, yani, c'est pour eux, c'est difficile, yani, à jeûner. Et comme dit ici la personne, c'est pas seulement à jeûner, yani, à pratiquer tout court. Et avec cela, inchallah ta'ala, il faut faire des efforts. Faire des efforts en essayant de leur expliquer ou bien de leur donner des rasaïl. Des petits livrets, pas de gros livres, des livres de 300 pages. Non, des livres de 30, 40 pages, il y a des livres et des épîtres, où c'est écrit, yani, le statut du siyam en islam, Et le statut de celui qui ne jeûne pas, ou comme ça, si c'est pour lui parler de siyam. Si c'est pour lui parler de salat, je lui cherche un petit livret qui parle sur la salat, en français. Et je lui donne. Non, et je lui fais dawa. Et je l'invite chez moi, et j'essaie de lui parler. Et comme ça, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi une cause pour que les gens yani, commencent à pratiquer. Et si jamais la personne n'écoute pas, ou bien ne veut pas, ou bien yani, ne répond pas, yani, il ne faut pas désespérer d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, tu dis alhamdoulilah, yani, alhamdoulilah ala kulli hal. Déjà, c'est une grande ni'ma que Allah ta'ala, moi, il m'est guidé, etc. Regarde cette personne, yani, elle ne veut pas, et moi, regardez comment Allah ta'ala m'a choisi, et m'a donné la foi, il m'a donné la douceur, il m'a aidé pour la pratique. Donc, en son désobéissance, tu vois la grande ni'ma que Allah ta'ala t'a donné, na'am. Tfadhal. Donc, troisième question, question d'une sœur qui dit: je suis enceinte, j'aimerais savoir si je dois rattraper mon jeûne ou si je dois donner de la nourriture aux pauvres. Et pour la nourriture, combien exactement je dois donner? Tfadal cher. Pour la personne qui est enceinte pendant le Ramadan, la personne qui est enceinte pendant le Ramadan, je vous rappelle seulement que quand je prends le micro, écrivez numéro 1, pour que je sache que je l'ai pris, que vous m'entendez. Une seule fois, ça suffit. Pour une personne qui est enceinte pendant le Ramadan, la base et la règle, c'est que elle doit jeûner bi'idhnillahi ta'ala. Mais, si la personne a peur pour sa santé elle-même, la mère qui est enceinte, ou bien pour le bébé, qui lui arrive quelque chose par exemple, dans ce cas, elle peut ne pas manger et quand le ramadan se termine, elle nourrit pour chaque jour un pauvre. Chaque jour qu'elle n'a pas jeûné, elle nourrit un pauvre à sa place. Elle ne doit pas donner de l'argent aux pauvres, mais le nourrir. Le nourrir comment? Ou bien en achetant par exemple 2,5 kg de riz, ou bien de lentilles, ou bien de, comment ça s'appelle avec l'oubia, comment ça, les haricots, et comme ça, et de lui donner aussi un peu de, comme dit Cheikh Ibn Othaymine, un petit morceau de viande, peut-être aussi un peu d'huile, pour qu'il puisse yani, préparer un plat par exemple. Là, ça c'est pour chaque jour manger, ou bien carrément de l'inviter à manger chez nous, ou bien carrément de l'inviter à manger dans un, je dis restaurant, c'est beaucoup, dans une petite gargote. L'essentiel c'est qu'il mange yani, quelque chose de normal, comme un plat de lentilles avec un peu qui contient un peu de viande, ou bien yani, quelque chose qui contient un peu de poulet ou quelque chose comme ça. Il mange yani, pas comme un riche, pas comme un pauvre. Non. Dans un restaurant modeste. Il mange autant de jours que j'ai mangé. Voilà. Ou bien, comme j'ai toujours dit, si quelqu'un connaît quelqu'un qui a un restaurant, ne serait-ce que yani, modeste, comme j'ai dit, pas les grands restaurants de 4 étoiles ou 5 étoiles, je parle pas de ça. Non. Donc, s'il sait que le propriétaire, c'est quelqu'un de bien et quelqu'un de confiance, il lui dit, c'est combien? Quelqu'un quand il mange chez vous, c'est combien qu'il paye quand il mange un plat? Il y a un plat. Il lui dit c'est tant. Il lui donne de l'argent pour les jours mangés. Wallahu ta'ala alam. Vers la fin, le mic commence à grésiller comme tout à l'heure, cher. Je sais pas s'il a bougé. Quatrième question. Question d'une sœur qui dit: une sœur demande comment elle doit faire pour reprendre la salat et le jeûne, sachant qu'elle a accouché il y a presque un mois, par rapport au loshi. Comment fait-elle pour le jeûne? Tfadal cher. Est-ce que c'est possible que tu répètes la question? Donc une sœur demande Comment doit-elle faire pour reprendre la prière et le jeûne, sachant qu'elle a accouché il y a presque un mois, par rapport au roshi? Comment fait-elle pour le jeûne? Tfadal, je vous colle la question. Oh, là, c'est pas la peine de la coller, j'ai compris. Elle attend la purification. Elle attend la purification. Quand elle se purifie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la douche et commencer à prier et commencer à jeûner. Si jamais la purification, hein, dépasse les 40 jours, dans ce cas, l'avis de la plupart des savants, comme Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et beaucoup d'autres, disent que après les 40 jours, il n'y a plus de logis. Que le 40e jour arrivé, si le sang n'arrête pas de couler, le 41e, 41, le 41e, hein, elle se lève et elle prend la douche, même s'il y a toujours du sang, et elle met des choses, elle met des choses à cause du sang, hein, pour que le sang ne sorte pas sur ses vêtements, et elle prie avec et elle jeûne avec ce sang, et son mari peut la toucher avec ce sang après les 40 jours, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadl. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc, cinquième question. Question d'une sœur qui dit: Cheikhana, pourriez-vous réexpliquer, Inch'Allah, les piliers et furu' entre le kuffar, donc le kafir, et le musulman? Tfadl, Cheikh. Je ne sais pas exactement ce que veut la personne, car j'ai parlé beaucoup dans cette chose, mais en général, je vais dire, pour vous expliquer les piliers, faut... ça y est, le haut sol, dans la chair, il y a notre chair, il y a le haut sol et il y a le fourreau. Le haut sol, c'est disons les piliers, comme le shahada, zakat, salat, hajj, siyam, ça c'est les hauts sols. Et les fourreaux, c'est les autres choses qu'il nous est demandé de faire sans être des piliers. Comme la piété familiale, comme l'aumône, comme lire le Coran, comme aide les choses, yani, qui nous est demandé de faire, hein, ou bien d'une façon. Fondement, voilà les fondements, jazakallah, les fondements et les sous-fondements. Les fondements, c'est comme les piliers, et les autres choses, c'est ce qu'on appelle les furu', c'est ce qu'il nous est demandé de faire et de délaisser. Le délaisser comme le mensonge, le vol, l'alcool, la zina, le mensonge, la médisance, tout ça. Et ce qu'il nous a demandé de faire, c'est comme la droiture, par exemple, le bon voisinage, le l'hôte, l'hôte du. Comment s'appelle? Zef. Nam. Comment on dit Zef en français? L'invité, l'hôte de l'invité, le fait de dire les bons mots, l'hospitalité, la piété familiale, tout ce qu'ils nous sont demandés de faire. Non. Donc les savants sont unanimes pour dire que le kafir, il est concerné par les. Il y a divergence par rapport aux autres, aux sous-fondements, disons. Est-ce qu'il est concerné aussi ou pas? Et yani, le fruit de la divergence, c'est par rapport à quoi? Par rapport à Yom al-Qiyamah, quand le kafir sera dans le feu, que s'il a fait les furu', s'il s'est concerné par les furu', son châtiment sera moindre. Et si par contre il a transgressé les furu', et il a fait le haram, et il a menti, et il a escroqué, il a triché, il a, donc son adab, son supplice sera plus grand par rapport aux autres kuffars qui n'ont pas fait ça. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que c'est clair. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Sixième question d'une sœur qui dit: Je suis une lycéenne et le ramadan tombe en plein examen. Comment va-t-on faire pour le taraweeh? J'aimerais ne pas dormir durant les nuits de ramadan, mais le problème est que j'ai école le lendemain. Que doit-on faire? Tfaddal, cher. Abdelaziz, si j'ai bien entendu, je vais dire quelque chose et tu écris numéro 1. Voilà, donc, salam alaikum. Comment va-t-on faire pour le taraweeh? Donc, son problème, c'est le taraweeh. Son problème, c'est le taraweeh. J'aimerais ne pas dormir durant les nuits de Ramadan, mais les problèmes. Je conseille à cette sœur de dormir pendant le Ramadan. Et que si elle a des examens, etc., de ne pas prier le Taraweh. Parce que le Taraweh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas obligatoire. Naam. Et maintenant, si elle va prier les obligatoires, prier le Taraweh et ne pas dormir toute la nuit, etc., non. Si on peut prier les Taraweh et dormir, Masha'Allah. Mais si maintenant je vais prier le Taraweh et ensuite ne pas dormir toute la nuit, non. Surtout que le Taraweh n'est pas obligatoire. Quand je peux faire les Taraweh, je les fais. Quand je ne peux pas, à cause que je dois dormir tôt, car j'ai le travail ou j'ai le je ne sais quoi, le examen ou là, je ne fais pas de Taraweh et je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché. Ensuite, étant une femme, la prière de la femme dans sa maison, c'est mieux que dans la mosquée. Donc je peux faire deux ou quatre rakats après l'Isha, ensuite l'huître et je m'endors. J'ai déjà prié la nuit, une partie de la nuit. Vous avez compris? Naam, tfaddal. Jazakallahu khair, cher. Donc, cher, il y a la question. On revient à la question de la sœur sur les lochis. Elle dit qu'elle n'a pas compris comment se terminent les lochis. Si vous pouvez lui réexpliquer. Tfaddal, cher. Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle n'a pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'elle n'a pas compris. Et l'oshi, c'est du sang qui coule après le, bon, après, comment ça s'appelle, l'ouilada, après accouchement. Après accouchement. Donc, les l'oshi se terminent quand il n'y a plus de sang. Quand le sang s'est arrêté de couler, il se peut qu'il s'arrête 25 jours après, il se peut 20 jours, il se peut 30, 35. Mais les savants disent qu'il ne faut pas que ça dépasse 40. Il ne faut pas que ça dépasse 40. Si ça dépasse 40, on dit que ce n'est plus des lochis, c'est des métroragies. Et là, la femme prend la douche et commence à prier. Et elle met quelque chose dans ses parties intimes à cause du sang. À cause du sang pour ne pas qu'il coule yani, entre ses jambes et comme ça. Vous avez compris? Inch'Allah ta'ala, si elle n'a pas compris, qu'elle repose la question. Tfadhal. Jazakallah khair, cher. Donc, septième question d'une sœur qui dit: dans un de vos cours de vos années passées, une personne vous avait posé la question si on pouvait utiliser du parfum ou du déodorant contenant de l'alcool pendant le ramadan. Vous aviez répondu qu'il fallait regarder le pourcentage d'alcool, mais souvent ce pourcentage d'alcool ne figure pas dans la composition. Il est juste écrit qu'il y a de l'alcool, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Donc, peut-on utiliser de tels produits? Tfaddal, cher. Par rapport à l'alcool, par rapport à l'alcool, la première, même si ça dépasse 50%, ça dépasse 50%, et on a mis le parfum pendant le Ramadan, ça ne veut pas dire que on a annulé le siyam. Car c'est quelque chose d'étranger, c'est pas quelque chose qui est rentré dans notre bouche pour aller à l'estomac. Donc maintenant, si je mets de l'alcool sur moi, ou bien je mets du vin, je prends une bouteille de vin et je me la verse par exemple sur mes épaules ou là sur ma tête ou là. Si ça rentre pas dans ma bouche, ça n'annule pas mon siyam, vous avez compris. Si je prends de la souillure et que j'en mets sur ma tête ou sur mes épaules, ça n'a rien à voir avec le siyam. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour l'alcool, certains savants, et je crois que c'est l'avis le plus fort, ont dit que l'alcool qu'il y a dans les parfums, ce n'est pas l'alcool yani, qui est interdit par rapport à la boisson. Ils ont dit ça, c'est quelque chose de spécial comme ça, c'est juste parce que je vous dis ça, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui travaillait dans cette chose. Ou, si j'ai oublié maintenant, peut-être qu'il m'a dit que j'ai un ami qui travaille dans cette chose et qui m'a expliqué. Donc maintenant, je doute car j'ai oublié, c'est quand j'étais au Koweït. Il a dit que, et je l'avais déjà entendu ça d'autre part, Ils ont dit que le produit qu'ils mettent et qu'ils appellent alcool, ce n'est pas l'alcool qu'on boit. C'est un peu alcool synthétique. C'est juste pour que l'odeur du parfum ne parte pas. Pourquoi on met cet alcool? Pour que l'odeur ne parte pas. Sinon, tu vas injecter sur toi du parfum. 30 secondes, il n'y a plus d'odeur. Mais ils mettent cet alcool pour que le parfum reste. Reste sur le corps, reste sur les vêtements, reste sur les cheveux et comme ça. Et ce parfum et cet alcool, wallahu ta'ala alam, n'a rien à voir avec l'alcool qu'on boit. D'où, yani, il n'y a pas une chose à 100% que c'est haram. Wallahu azza wa jalla alam. Tfadal. Donc, huitième question d'une sœur. Elle dit, nous avons vu les conditions de la puberté. Je voulais savoir, pour ce qui est des filles, quand elles ont des poils sur le pubis, mais pas encore les menstrues. Elle précise, c'est pour une fillette de 12 ans, est-elle pubère? Donc, elle voudrait savoir si une fille avec ces conditions-là est considérée comme pubère. Pas dans le chat. Non, elle est considérée comme pubère. Et la personne, je crois qu'elle n'a pas bien compris. Quand j'ai parlé tout à l'heure des poils, ou bien des menstrues, ou bien des signes, j'ai dit que ce n'est pas obligé que tous les signes apparaissent. Un des quatre signes suffit. Un des quatre signes suffit. Les poils sur le pubis, ou bien l'âge, 15 ans, ou bien les menstrues, ou bien l'éjaculation du sperme. Un des signes suffit. Ce n'est pas la peine d'avoir tous les signes, yani, réunis. Tous les signes réunis. Reste que pour les poils, dans les parties intimes, ça ne doit pas être le duvet. Ça ne doit pas être le duvet qui précède les poils gros, mais les vrais poils. Allahu ta'ala alam. Tfadal. Avant cela, donnez-moi une minute, je reviens, inshallah ta'ala. Salam alaikum, Abdelaziz, tfadal. Les trois dernières questions, inshallah. Les trois dernières, tfadal. Donc pour l'instant il me reste qu'une question. Donc question d'un frère qui dit Salam alaikum Cheikh, j'ai des acouphènes. Acouphènes Cheikh, c'est-à-dire il entend des bruits yani, dans son oreille, dans sa tête, mais il n'y a pas de bruit extérieur, c'est que dans sa tête yani. Donc il dit Salam alaikum Cheikh, j'ai des acouphènes, mal d'oreille, fatigué souvent, mal de tête, énervement tous les jours. J'ai 29 ans. J'ai dû jeûner 7 jours dans ma vie. Je viens juste de faire Taouba il y a 2 mois. Est-ce que je dois le faire? Donc, est-ce qu'il doit faire ce mois, jeûner ce mois de Ramadan? Tfadal, cher. Naam, naam, il doit le faire. Car c'est un pilier. C'est un pilier de l'islam. Ou du moins, il doit essayer de le faire. Maintenant, s'il essaye, naam, et que, arrivé 11h midi, il voit qu'il ne peut plus tenir debout. Naam, il essaye donc de dormir pour essayer d'oublier. Et s'il voit qu'il ne peut pas, naam, sa tête, il a envie de crier, il a ceci, il a cela, des vomissements, Dans ce cas, ce jour-là, il le mange avec la niya de le rattraper plus tard. Et il laisse la niya pour le jeûne du lendemain. Et comme ça, chaque jour à part. Chaque jour, il lui met la niya la nuit que demain je vais le jeûner billah. Et si pendant la journée il ne peut pas, si vraiment ça le dépasse, naam, et il le rattrape après bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si la maladie est chronique, dans ce cas, il nourrira pour chaque jour manger, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. La dernière question. Donc dixième et dernière question d'une sœur qui dit ma sœur a beaucoup de mal à jeûner. Elle a la migraine lors du jeûne. Elle dit que c'est lié à la nourriture, le fait de ne pas manger. À savoir qu'elle est malade de maladies liées à un sihr, wallahu alam. Ma question est, étant donné que le jeûne est très très dur pour elle, est-elle quand même obligée de jeûner? Sinon, peut-elle compenser? Fadal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne, en général, est difficile pour tout le monde. Même quelqu'un qui n'est pas malade, c'est difficile pour lui de jeûner, surtout si la journée est longue, et surtout si c'est, par exemple, pendant l'été. Pendant l'été où la journée, c'est des fois 12 heures ou plus. Mohem, chaque personne doit faire des efforts pour s'accrocher à ce pilier. Car siyam, c'est un pilier. Ce n'est pas seulement obligatoire, mais plus, ça devient un pilier. Naam. Donc, ce n'est pas mon choix de dire je jeûne ou je jeûne pas. Mais chaque jour, j'essaye. Si vraiment je ne peux pas, je mets la niya que ce jour-là, je n'ai pas pu, je vais le rattraper plus tard. Mais demain, inchallah, je vais réessayer pour le lendemain. Et chaque jour comme ça. Sauf si le médecin, naam, vraiment spécialiste qui sait et qui dit que cette personne ne peut pas jeûner, ne peut pas jeûner. Surtout un musulman, surtout un médecin musulman. Car le kafir, il peut y aller, il s'en fiche et il dit non, c'est pas grave, le siam, c'est rien. Et il faut manger, la santé, c'est primordial, c'est ceci, cela, il commence à philosopher. C'est vraiment un médecin musulman qui a peur d'Allah Ta'ala et qui dit toi, tu ne peux pas jeûner, ça veut dire que tu ne peux pas jeûner. Ensuite, après, on va voir. Si après le ramadan, je peux rattraper, je rattrape. Si même après le ramadan, il dit, tu peux pas rattraper, dans ce cas, je nourris pour chaque jour un porc, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer dans le prochain cours très bientôt. Très bientôt, mais je ne sais pas quand. Pour savoir c'est quand le prochain cours, inshallah ta'ala, il faut me suivre sur Twitter. Ou alors rentrer dans mon site. Dans mon site, il y a le Twitter. www.chelabi.com. Il y a à gauche, je crois, il y a le Twitter. Vous trouvez là-bas que c'est le cours, par exemple, dans 2 jours, ou là, 3 jours, ou là, et comme aujourd'hui, vers 19h, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.